Bienvenue dans Prog à part, l'émission qui, au-delà des frontières géographiques et historiques, vous présente le rock progressif dans toute sa splendeur. Une émission un petit peu particulière ce soir, sans notre camarade Thierry, mais avec un autre patriarche de la scène rock lyonnaise, en la personne de Jeff, qui est à la technique ce soir. On va entrer directement dans le vif du sujet. Une fois n'est pas coutume, nous allons survoler ensemble 30 ans et des poussières d'histoire du progressive rock. La célèbre machine de Monsieur Wells nous dépose pour commencer en 1979, lorsqu'avec The Wall, le Pink Floyd négocie brillamment le virage de la décennie 80. Dinosaure certes, mais dinosaure à la fois plus rusé et intègre qu'ILP, Yes ou autre Genesis, le Pink Floyd, plus que jamais dominé par les névroses de Roger Waters, signe un double album culte qui, 20 ans après, continue d'interpeller toutes les générations. Le reflet de Pink dans le miroir est celui de Roger Waters qui, à travers l'histoire d'une rockstar en pleine descente aux enfers, dénonce les requins manipulateurs de l'industrie musicale, une humanité barbare qui ne s'affirme que dans la guerre, l'aliénation issue de l'école, le pouvoir démesuré des médias comme opium du peuple, la fausseté ou encore l'ambiguïté des rapports familiaux, la vacuité des relations amoureuses, en bref, une société moderne faite d'illusions et qui génère cette prison de l'esprit dont le mur est la puissante métaphore. La tournée The Wall se limita à 4 prestations en 1980 et 1981, mais les désirs mégalomanes de Roger Waters avaient un goût insurmontable, y compris pour le richissime Pink Floyd. De cette frustration est né le film The Wall, réalisé par un autre névrosé sans nuance. J'ai nommé Monsieur Alan Parker. L'an 2000, 20 ans plus tard, les pirates issus des 4 prestations live de The Wall deviennent totalement obsolètes avec la parution de ce double live officiel intitulé Is There Anybody Out There? The Wall y est transfiguré et gagne ici en chaleur ce qu'il perd en production clinquante et boursouflée. Et c'est tant mieux, croyez-moi. En voici un extrait quasiment orgasmique, Comfortably Numb, l'indéniable sommet émotionnel de The Wall, avec en plus dans cette version Roger Waters et David Gilmour qui se partagent les parties vocales, et ce pour notre plus grand plaisir nostalgique. Pink Floyd en live donc, c'est Comfortably Numb sur le 100.7. Come on now, I hear you feeling down. Well, Pink Floyd sur le 100.7, c'est Soul FM, prog à part, l'émission du rock progressif. Au vu de l'ostracisme persistant des médias à l'égard du rock progressif, et étant donné les railleries dont il fait l'objet chez ces gens qui donnent leur avis sur tout, tout en n'y connaissant évidemment rien ou si peu, j'aimerais citer le musicologue Ed McCann, qui explique fort bien pourquoi le rock progressif génère un lien si intime avec ses auditeurs. Ed McCann dit, ouvrez les guillemets, « Je pense que le rock progressif, passé ou actuel, conserve une grande valeur pour de nombreuses personnes, car il traite de certains thèmes et transmet certaines attitudes qui n'ont plus guère d'occasion de s'exprimer. L'une des caractéristiques majeures des années 90 est son cynisme prédominant. Le rock progressif s'attache à ébaucher l'idée de monde différent, de monde meilleur. C'est une musique porteuse d'utopie, et c'est vrai aussi bien quand elle exprime la possibilité d'un avenir radieux, comme chez Yes, ou quand elle stigmatise les défauts du monde actuel, comme chez Van der Graaf Generator. En d'autres termes, le rock progressif suggère l'idée qu'un monde meilleur est possible, et je pense qu'il demeure en cela un bon antidote au cynisme actuel. Mais il y a une idée tout aussi importante dans l'idéologie progressive, c'est celle que la musique peut être quelque chose de très important, qu'elle peut changer le monde. Dans le monde cynique qui est aujourd'hui le nôtre, parler de l'art en tant que transcendance est considéré comme ridicule. Or, ce que la plupart des imbéciles qui se donnent le titre de critique en parlant du rock progressif qualifient de prétention, pourrait tout aussi bien être vu comme une qualité, et une qualité rare. Le rock progressif est peut-être le seul style de musique qui, au sein de la culture populaire, exprime sa conviction d'avoir quelque chose d'important à dire. Dans notre ère d'homogénéité médiatique, je crois que beaucoup d'amateurs de rock progressif apprécient la façon dont il défend l'individualité et combat le conformisme. Fermez les guillemets, le débat est ouvert. Pour mémoire, voici le numéro de Sol FM, c'est le 04 78 51 16 85. Je répète, le 04 78 51 16 85. On enchaîne avec Happy The Man, légende bientôt reformée du prog américain des années 70, qui en l'espace de 3 albums s'est fait le chantre des ballades planantes et futuristes aux légères effluves jazzy. Leur deuxième album, Crafty Hands, sorti à l'origine sur Arista en 1978, vient d'être réédité sous l'égide de Musea, avec, cerise sur le gâteau, une biographie détaillée du groupe, rédigée par Aymeric Leroy, et un remastering réalisé par le claviériste Keith Watkins lui-même. La réédition du premier album, bien meilleur encore, devrait suivre d'ici peu. On écoute le classique Service with a Smile, qui, grâce à un thème construit sur un rythme en 11 temps, réussit en à peine 3 minutes à exprimer la quintessence de l'art d'Happy The Man, c'est-à-dire le génie des architectures complexes, mais toujours lumineuses. Extrait de Crafty Hands, Service with a Smile, c'est Happy The Man dans Prog à part. We'll be right back. Après cette référence essentielle à Twin Peaks, on revient sur l'album phare du moment, sur cette bombe qui s'appelle Transatlantique, le groupe All Stars de Neil Morse, issu de Spock's Beard, Roy Nechtold, le guitariste des Flower Kings, Pete Travavas, le bassiste de Marillion, et Mick Portnoy, le batteur de Dream Theater. On vous avait présenté en avant-première le mois dernier le morceau My New World de Roy Nechtold. Et ben on en remet une couche ce soir avec une composition très excentrique de Neil Morse qui s'appelle Mystery Train. Je rappelle que l'album de Transatlantique est désormais disponible chez les deux filiales de la World Company, c'est-à-dire rue de la République et un peu plus loin rue Herriot. Et si vous ne l'avez pas encore, eh bien dépêchez-vous, parce que vous pourrez l'obtenir dans une luxueuse édition limitée avec un CD bonus contenant des versions alternatives, des démos, des jam sessions à 3 grammes d'alcool dans le sang et une plage CD-ROM interactive de toute beauté. Cap sur l'album événement, voici Transatlantique, Mystery Train. Start all over again. très transatlantique, enchaînement logique avec Spock's Beard, le groupe de Neil Morse, l'omniprésent. On le retrouvera aussi très bientôt sur le nouvel album d'Ereon, nous assène d'un nouvel album live baptisé Don't Try This At Home. Don't Try This At Home, c'est 50 minutes jubilatoires tirées de la tournée Day for Night. Et bien constatez avec moi que la réputation scénique du groupe américain n'est pas surfaite en écoutant Gibberish, un hommage appuyé à ce bon vieux Gentle Giant. Voici Spock's Beard. This is one of the more difficult things on Day for Night. We're going to get everybody singing on this one. This is called Gibberish. Through the years, the song is playing. Fox Baird dans Prog à part, l'émission du rock progressif. Je précise tout de suite qu'il n'y a rien à gagner ce soir, si ce n'est le plaisir de vous fondre avec nous dans cet orgasme musical jusqu'à 23h. En revanche, rien ne vous empêche, comme notre camarade Olivier, de mes yeux, de nous passer un petit coup de fil de soutien ou de protestation, sachant que nous ne diffuserons aucun album avec Clive Nolan ce soir et que nous n'allons pas tarder à glisser vers les franges les plus marginales du rock progressif. Je compte sur votre ouverture d'esprit et sur votre goût pour l'aventure. Dans tous les cas, appelez-nous au numéro de Sol FM, c'est le 04 78 51 16 85, je duplique, 04 78 51 16 85. Pour l'heure, consacrons la Reine Mélodie une fois encore avec Mountain Flying, le premier album d'un musicien hongrois qui s'appelle Julius Dobos. À l'image d'Anthony Phillips ou de Michael Field, mais avec un talent encore un peu trop vert, ce dernier s'illustre dans un prog symphonique très grandiloquent et saupoudré d'influences folkloriques et New Age. On écoute un extrait de ce joli pamphlet écologique qui s'appelle Mountain Flying, donc, avec le titre New Pangea, titre qui voit la participation de la chanteuse hongroise Marta Sébastien qu'on a déjà entendue dans la bande originale du film Le Patient Anglais, oscarisé à 6 reprises, pour mémoire. New Pangea, donc, c'est Julius Dobos sur le 100.7.

Julius Dobos à l'instant dans Prog à part, c'est sorti sur le label hongrois Peripheric Records. Évidemment, vous ne pouvez pas trouver ce disque à Lyon, mais si vous voulez l'obtenir, 04 78 51 16 85, et on vous donne un moyen de vous le procurer. On va passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus nerveux. Au moment où David Bowie accouche du révolutionnaire et décadent Ziggy Stardust, un certain Brian Eno, au goût prononcé pour l'avant-garde, fonde Roxy Music avec le crooner Brian Ferry. Nous sommes en 1972, à l'orée d'un des plus fascinants épiphénomènes de l'histoire de la pop musique, la mouvance glam rock, qui mêle sans concession et avec les excès kitsch que cela suppose, musique hystérique et déjantée, homosexualité revendiquée haut et fort, et toxicomanie pure et dure. Le glam rock mériterait une émission entière, mais en attendant que votre serviteur ne se mette à étudier sérieusement cette possibilité, je vous renvoie au film Velvet Goldmine, présenté à Cannes il y a 2 ans maintenant, et qui semble donner un aperçu assez juste de ces années folles de l'Angleterre, années qui précèdent le purgatoire de Madame Thatcher. En 1973, Brian Eno s'offre une première escapade en solo avec l'album Here Come the Warm Jets, classique à peine ridé aujourd'hui de l'histoire du glam rock. Il fait appel à Robert Fripp et John Wetton de Kim Crimson pour métamorphoser sa musique en brasier métallique. Extrait de cet album, voici Babies on Fire, où Fripp se fend d'un mythique solo de crafty guitare, Brian Eno. Babies on fire.